بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on a commencé aujourd'hui à une nouvelle conférence. Et sujet conférence que on a commencé aujourd'hui à, c'est à propos de qui est-ce qui savant nous yo? Qui est-ce qui savant nous yo? Donc, ça sont questions qui très importantes et qui fondamentales pour nous parce que nous connaît que Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit nous yani fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, c'est-à-dire hein, demander, faut nous demander savant yo si nous pas connaît. Donc là nous pas connaît un bagage, c'est à savant yo pour nous tourner, pour nous demander yo à propos de sujet a, pour le répondre nous à propos de explication sa religion en dit sous sujet a. Et prophète là t'a mentionné déjà dans un hadith, et puis n'a mentionné hadith ça en plus n'a pas avancé dans le sujet là, mais son hadith qui est important parce que il dit nous yani que Allah Azza wa Jal l'a retiré la science de musulmans de mounio de êtres humains, et gens que il pourra retirer science là c'est pas par exemple que il pourra retirer science dans le cœur moun yo, mais li pral retirer science là parce que l'a fait savant yo mourir yon après l'autre, savant yo mourir, et les savants fin tout mourir pas prêter aucun savant. Et bien le prophète la sallallahu alayhi wa sallam li dit que moun yo pral commencer yani établi ou bien pral yo pral commencer considérer ignorant tant que savant yo, yo pral élever ignorant yo au niveau de savant, et puis moun ignorant sa yo pral bay verdict religieux, yo pral bay fatwa sans science, et puis yo pral égarer tête yo, et puis yo pral égarer avec yo en pile moun. Donc ça c'est yon nan signe de la fin des temps, et c'est ça qui arrive jodi a malheureusement. En pile moun a parlé de religion, en pile moun a parlé de l'islam, en pile moun a bay verdict religieux, a bay fatwa sans science, hein, et puis y a égaré tête yo, et y a égaré avec yo en pile moun. Y a parlé au nom de l'islam, y a parlé au nom de Coran, y a parlé au nom de la Sunna, et y a présenté tête yo tant que c'est représentant de la religion que yo yé, alors qu'en réalité nous comprendre que moun sa yo pa gen science et yo pa étudié avec savant. Donc les y a parlé dans religion, yo uniquement parlé avec passion yo, yo pa parlé avec science. Donc ça sont bagay qui est extrêmement dangereux les nous comprendre situation et les nous comprendre ça que danger ça représenter pour nous. Donc nous mêmes musulmans et en particulier moun kap suiv la sunna, kap accroché tête yo à méthodologie salafio, eh bien faut nous comprendre que si nous besoin accrocher hein à religion ça comme il faut, et que nous comprendre religion Jean Lia, Jean prophète la té menel, Jean sahaba yo té pratiquel, eh bien faut nous comprendre réalité et en religion, et que faut nous prendre religion non mais savant yo, c'est pas non mais monde qui ignorant, d'accord. Donc conférence que n'a fait à nous pral commencer par nous expliquer qui ça qui mérite hein, qui ça qui mérite un monde cap étudier l'islam, et qui ça qui mérite savant yo hein, et qui ça qui mérite la science, le wap étudier la science. L'homme dit mérite, yani, c'est-à-dire valeur religion. Et qui ça qui valeur savant, yo? Hein, qui statut que yo gagne, qui mérite que yo gagne, qui valeur que yo gagne, dans religion, hein, et qui statut que yo gagne auprès d'Allah, hein, qui position que yo gagne auprès d'Allah, et puis, là n'a pas comprendre ça, n'a pas comprendre sa réalité valeur science islamique là. Donc faut nous comprendre que savants de l'islam yo, ulama yo, c'est eux-mêmes qui leader dans Oumma. C'est eux-mêmes qui guide pour Oumma. C'est un coup eux-mêmes qui représentaient un coup berger les guider troupeau. Hein? Donc c'est eux-mêmes qui a orienté hein, musulmans yo Oumma islamique nan. Et les Allah Azza wa Jal mentionné hein, que yani Oumma noir c'est pi bon Oumma qui était sorti pour l'humanité parce que c'est eux-mêmes qui a ordonné le bien qui a interdit le mal et qui croient en Allah Azza wa Jal. Eh bien qui Jean au monde qui a ordonné le bien s'il pas gain science. Qui Jean la connaît sac bon sac pas bon. Il pas connaît excepté s'il étudier, s'il gain science. Et qui Jean la connaît qui Jean pour l'interdit le mal. S'il pas connaît sac munkar, s'il pas connaît sac bien, s'il pas connaît sac mal. Hein, il pas capable ordonner, il pas capable interdire. Parce que sans science ou pas ka fan rien. Ou pas ka croire en Allah si ou pas gain science. Hein? Qui j'on pral croire en Allah si ou pas gain science. Ou pral croire en ou pral croire en Allah mais avec une croyance qui faux, une croyance qui déviée, une croyance qui en contradiction avec ça Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Donc ou besoin science pour croire en Allah, ou besoin science pour ou suivre Coran pour suivre Sunna. OK, et science là c'est science que vous tirez du Coran et de la Sunna. Donc c'est par la science, science religion, science sharia que n'a capable distinguer entre la guidance et l'égarement, entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal, entre ce qui est halal et ce qui est haram. Hein, c'est uniquement avec la science de religion que n'a pas capable faire ça. Et Allah Azza wa Jal t'est yani élevé statut et degré et valeur ulama yo et savant yo et li mentionné également wa alaykoum salam wa rahmatoullah li témoigné hein li associé témoignage li ou bien li rattaché témoignage li hein à témoignage zanjo et à témoignage ulama yo. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit dans un verset, le verset 18 dans sourate Al-Imran, shahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al aziz al hakim. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal t'est témoigné que pas grand rien qui méritait pour nous adorer excepté Allah. Et ainsi que Zanjio, c'est-à-dire Zanjio témoignait de ça tout. Il témoignait de l'unicité d'Allah. Et ainsi que monde qui détient la science, monde qui te gagne la science. Et il établi sous la justice. Hein? Il établi sous la justice. Et verset en terminé, l'Allah Azza wa Jal dit, pas grand rien qui méritait pour nous adorer, excepté Allah Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim, le Très-Sage. Donc, Allah Azza wa Jal, lui associe témoignage savant yo avec propre témoignage lien et témoignage zanjo. Donc, ça lui indique degré élevé que savant yo gagne en religion. En même temps, nous tous connaissons l'importance tawhid gagne dans l'islam. Et c'est fondement et base religion. Et donc, verset ça, il vient établir un principe. C'est que si Allah Azza wa Jal témoignait de propre unicité, que c'est lui-même seul qui Allah, et c'est lui-même seul qui méritait l'adoration, et lui fait savant yo témoigner de ça tout avec témoignage li et avec témoignage zanjo. Donc ça c'est hein, ça a démontré que savant yo yo gon grand niveau, un grand degré, un degré très important en religion, hein, parce que yo témoigné à propos de ça qui est plus important dans tout ça qui gagne dans l'islam, c'est le tawhid. Et donc nous connaît que tawhid là, les nous t'ai expliqué dans conférence noire, c'est sujet hein, le plus important et c'est le sujet sur lequel t'es gagné un grand combat, un grand conflit entre messager d'Allah et ennemi hein, messager yo. Et tout kuffar yo et mushrikin yo, yo t'es opposé prophète yo à propos de tawhid, à propos de la ilaha illallah. Hein? Et je dis en ces mêmes bagailles. Là où est chrétien, là où est juif, là où est athée, là où est voudouisant, là où est yani l'autre monde qui gagne l'autre croyance, yo tout opposé l'islam. Premièrement, à propos de tawhid. Première chose que yo opposé à propos de l'islam, c'est la ilaha illallah. Hein? Donc c'est peut-être ça. Nous est importance sujet à. Et Allah Azza wa Jal prend ça avant yo tant que témoin. Hein, les témoigner pour lui-même et ensuite il fait zanjo témoigner et ensuite il prend témoignage de savant yo. Il pas prend un témoignage de aucune autre personne parmi être humain yo, seulement de savant yo. Hein, c'est parce que c'est seulement yo même qui est capable témoigner hein à propos de ça. Ensuite faut nous comprendre un bagage. Et ça, c'est un bagage qui est très important parce que grand pile musulman, yo pas comprendre nuance ça. Son nuance qui est très subtile et en même temps, yani son bagage qui est fondamental. Mais étant donné que grand pile musulman qui pas qu'on fondamentaux islam religion islamique, non, yo pas qu'on base religion. Hein, à cause de ça, yo passé à côté de principe ça ou à côté de point ça qui est un fondamental et point en ce qui s'allie, c'est que c'est pas tout le monde qui associe à la science ou qui prétend à la science que nous ca considérer tant que savant. C'est-à-dire que ou ca joindre en pile dans mécréant yo, dans kuffar yo et ou ca joindre en pile nan moun ki fait partie de gens de bid'a hein et qui nan l'égarement qui gen en pile connaissance ou ka jwenn en pile moun nan moun sa yo ki gen connaissance mais moun sa yo nou pa considérer yo tant kou ulama nou pa considérer moun sa yo tant kou savant parce que moun que nou considérer tant kou savant ulama hein, et moun que Allah te glorifie dans le Coran à propos de science, c'est uniquement musulman qui accroché au Coran, qui cramponné, qui kebe Coran et sunna messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui également établi croyance yo, hein, yo gon akida, qui en accord avec le Coran, et avec les textes du Coran et de la sunna, et yo établi méthodologie compréhension que yo gagne de religion sur le Coran et sur la Sunna et yo établi également toute adoration yo sur le Coran et sur la Sunna et également dans tout principe et toute règle et interaction que yo fait même dans système politique ou dans économique ou dans n'importe quel autre aspect de la vie yo retourner dans compréhension au Coran et à la Sunna et yo bien entendu hein yo accroché yo au Coran et à la Sunna dans tout aspect hein religion et yo pas dévié de ça et c'est yo même qui considéré ulama savant et c'est yo même que Allah Azza wa Jal t'est glorifié si on moun gain connaissance de religion, même s'il mémorisait tout Coran, hein, et puis que le contredit aqida al-sunna, le contredit méthodologie compagnon yo, méthodologie salaf yo, dans la croyance, hein, et dans les adorations, ou dans n'importe quel autre principe de la religion, nous comprendre que Mounsa, même s'il gagne connaissance, l'est pas en savant, parce que ça le gagne comme connaissance, connaissance que le gain, il gain corruption là-dedans. gen corruption, gen bagay ki impur nan connaissance li an. Gen bagay ki corrompu nan connaissance li an. Et c'est peut-être ça que ou pral wè que la suiv passion, li pa suiv Coran et Sunna. La suiv passion li déformer verset yo. Li déformer hadith yo pour l'interpréter religion selon sa passion li dictel. Hein? C'est peut-être ça que si on moun gen science mais li pa gen bon méthodologie et li pa gen bon compréhension, hein, et puis li pa suiv exemple Coran, Sunna avec compréhension sahaba yo, eh bien même s'il gen connaissance, même s'il mémorise Coran, même s'il mémorise tout hadith yo, mais c'est pas un savant lié. Et nous pas considérer le savant. OK? Donc ça sont bagages qui très important. Et Allah Azza wa Jal te considéré, hein, et li distingué savant yo de tout l'autre monde. Et li mette yo au devant nan religion et nan piété et nan crainte d'Allah et nan degré et nan mérite et nan statut que yo gagne nan religion. Et Allah Azza wa Jal dit dans verset 28 dans sourate Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est seulement savant yo, hein, parmi les serviteurs d'Allah, c'est seulement savant yo qui craint Allah. Hein? C'est seulement savant yo qui ka craint Allah. Pour qui ça c'est seulement savant yo qui craint Allah? Parce que c'est yo même qui connaît. On moun ki pa konn Allah, li pa ka craint li. Hein? Ou bien sinon l'a craint li mais l'a craint li avec ignorance. Tandis que savant yo konn ki jan pou yo craint li comme il faut. Pour qui ça? Parce que yo konn religion bien. Yo konn sak halal. Donc yo pral fè sak halal et yo kwè que c'est halal lié et yo konn sak haram. Yo ka ekarte tèt yo de sak haram parce que yo konn religion. Mais on moun ki pa konn halal, ki pa konn haram. Qui j'en le craint Allah. L'a fait tout ça le vle. Parce qu'il n'a pas qu'à distinguer entre sac halal et sac haram. Et un monde qui n'a pas qui j'en pour l'adorer Allah et qui n'a pas qu'une règle, qui j'en pour le faire salat, qui j'en pour le faire purification, hein, qui j'en pour le faire oudou, qui j'en pour le faire rosol, qui j'en pour le faire zakat, qui j'en pour le faire jeûne, ramadan, qui j'en pour le faire hajj, qui j'en pour le faire mariage, qui j'en pour le faire divorce, qui j'en pour le faire héritage, qui j'en pour le faire yani commerce selon les règles de l'islam, qui j'en la craint Allah. Li pa ka craint Allah. Qui j'en la respecter droit l'autre monde, qui j'en la respecter engagement que le gain avec l'autre monde, qui j'en la respecter droit famille, proche li, famille, hein, et tout droit que l'autre monde gain sous li. S'il pa konn religion, s'il pa konn Allah Azza wa Jal, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de craindre Allah réellement. Hein? Et en même temps, qui j'en l'a fait pour l'a adorer Allah et l'a agir avec l'autre monde pour le sentir que Allah Azza wa Jal a surveillé et a gardé à chaque instant dans chaque parole qui sortit dans la bouche, dans chaque mouvement que l'a fait, hein? Chaque geste que l'a fait. Allah Azza wa Jal ap gadel, ap surveyel. Parce que prophète l'a te expliqué que al-ihsan, hein, al-ihsan, c'est que le wap adore Allah, wap adore Allah tankou, ou ap gade Allah, c'est comme si ou ka wel. Hein? Le wap gade Allah, c'est tankou ou ka we Allah. Hein? Dans le sens que ou conscient que Allah Azza wa Jal, hein, le wap adore l, c'est tant que c'est tout ou ka ouais Allah Azza wa Jal, hein, et si ou pas qu'arriver au niveau que les ou pas adorer Allah Azza wa Jal ou ab gadel ou ka ou connaît que li là devant, hein, si ou pas qu'arriver à degré ça, eh bien prophète là lui dit fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hein, si vous pas capable adorer Allah tant que c'est wap wè Allah, eh bien wap adorer tant que c'est lui-même qui a gardé, c'est lui-même qui a wè. Hein? Donc tout, qui est-ce qui est arrivé à degré ça? Qui est-ce qui est arrivé à degré de ihsan ça? Eh bien, c'est savant. Son monde qui gagne science. Son monde qui connaît Allah. Son monde qui connaît religion Allah. Son monde qui pas gagne science. Il n'est pas capable. Hein? Il n'est pas fait au même degré que savant. Hein? Et savant, yo donc, yo craint Allah Azza wa Jalla, les y a établi adoration, yo. Et yo fait adoration, yo, de la façon la plus parfaite possible. Hein? Parce que yo con, qui j'en pour yo adorer Allah comme il faut. Les yo établi droit que l'autre monde gagne. Bon, premièrement, droit que Allah gagne sous yo. Dans tout aspect de la vie. Et droit que l'autre musulman gagne sous yo. Que ce soit individuel ou des droits communs, hein, que ce soit la famille, hein, droit que famille ou guinsou, droit que yani individu guinsou ou que un groupe guinsou qui gens yo ka établi ça si ou pas gain science. C'est savant seulement qui ka fait ça. Hein, et en même temps, c'est eux même qui enseigné Oumma, c'est eux même qui a enseigné hein génération yo pour à propos de religion d'Allah. Et c'est eux-mêmes qui attachent moun yo à religion hein, et qui éduquent moun yo avec une éducation islamique qui est authentique, basée sur la croyance correcte, une croyance qui sahiha, qui est authentique, une méthodologie qui est authentique et qui est véridique, et un comportement qui hein, un comportement noble qui est basé sur l'islam. C'est savant yo qui fait ça, c'est savant yo qui éduque. Qui éduque nous, hein? Donc là où est un pays, ou en ville, ou en peuple, pas gain savant parmi eux, hein? Eh bien, ou qu'à comprendre que ab gain en pile, hein? Ab gain en pile défaut, ab gain en pile manquement, ab gain en pile yani maladie, ab gain en pile maladie spirituelle, ab gain en pile ignorance parmi musulmans ça yo. Mais ça son bagage les pagans savants, mais c'est-à-dire les pagans savants dans un pays en particulier, mais gain savant quelque part dans le monde, dans l'autre pays où gain doit contacter savant yo, où gain doit téléphoner savant yo, où gain doit essayer écrire savant yo pour yo ka clarifier bagage sur religion, les ou gon question, les ou gon problème, le gon situation pour le cas clarifier bagaille pour nous. Mais problème nan, c'est les nous pas connaît qui est-ce qui savant yo. Hein? Gan pile moun nan musulman, yo pense que depuis on moun mémoriser quelques versets dans Coran nan avec quelques hadiths et yo kon parler arabe, c'est savant yo yé. Non. C'est pas savant yo yé. Même si on moun ka bien parler arabe, ka réciter Coran, ka mentionner hadith, ka expliquer religion, ka li livre, ça veut pas dire que son savant lié, hein. Savant son grand son gros bagaille, c'est pas un petit bagaille, non. C'est pas un petit bagaille de juste on moun ka réciter verset ou ka li hadith. Son bagaille qui est bien plus grand que ça. Et parfois en particulier, les gens nouveaux dans l'islam, les gens convertis, ou les gens nouveaux dans la pratique religieuse, ils ne sont pas en pile bagaille. Et puis, depuis qu'ils rencontrent un monde qui a une science, ils sont impressionnés. Hein? Ils pensent que les gens sont grands savants liés. Ou bien des fois, ou quand ils ont un imam dans une mosquée qui apprend en pile bagaille, qui a une connaissance. Moun yo pense que son savant lié, c'est pas un savant lié, son étudiant, un petit étudiant en science. Ou pas ka, wa alaykoum salam wa rahmatoullah, ou pas ka comparer un étudiant, un petit étudiant avec un alim, un savant parmi savants yo. Mais qui est-ce qui ka konn savant yo réellement? C'est savant yo seulement. Hein? C'est encore un médecin qui est-ce qui ka juger si un médecin son bon médecin lié ou si s'il pas bon médecin, c'est pas un bon médecin. Son médecin même Jean Avel. Si on moun pas médecin, il pas ka konn qui est-ce qui un bon médecin. Hein? Ou ka penser que moun n'a pas un bon médecin, ou que moun nan son bon médecin, mais ou pas certain, parce que ou pas gen base pour ka juger réellement. Et donc dans connaissance religion, c'est même bagay. C'est savant yo qui reconnaît savant yo. Donc si on moun ou vle ou besoin connaît si son savant lié, c'est savant yo qui ka dire ça. C'est savant ou qui ka dire qui est-ce qui sont savants. Et les ou on moun ou besoin connaît si son savant lié, eh bien faut regarder avec qui est-ce savant ça t'a étudié. Qui est-ce qui était professeur li? Qui est-ce qui était chouyour li? Hein, avec qui chouyour que t'a apprendre? Le ou gade nan professeur li yo, nan chouyour li yo, si ou est que moun nan savant li même li gen grand professeur, grand chouyour. Ça son indication que moun nan li étudie avec un lama, donc li gen li apprend nos bagay. Les gon base et en particulier les yo mentionné ou hein qui ça yo te apprendre avec savant yo qui livre yo te étudié qui sujet yo te étudié qui niveau de science que yo te apprendre hein combien de temps yo passé avec savant yo tout ça c'est facteur qui influence en pile dans réalité moun nan dans réalité étudiant yo et nan ki sa yo ka ki jan nou ka établi que c'est savant yo réellement. Donc savant yo c'est eux même qui craint Allah azza wa jal, yo craint Allah et yo connaît que Allah azza wa jal a surveillé yo et yo gen un sentiment ou en compréhension de responsabilité que yo gen hein envers yo envers propre personne yo hein envers tête yo et yo gen un sentiment également à propos de responsabilité que yo gen vis-à-vis de l'humanité hein et yo gen responsabilité yo ressenti responsabilité que yo gen envers la umma et envers toute famille hein qui composait la umma et envers individu qui composait la umma tout et yo gen un sentiment vis-à-vis droit et obligation que yo gen hein vis-à-vis de religion et vis-à-vis de droit l'autre monde et c'est ça qui réalité crainte de Allah que yo gen et sentiment que Allah a questionné yo a mandé yo question a mandé yo compte au jour de la résurrection à propos de toute bagaille ça yo hein et c'est sentiment responsabilité ça qui pousse savant yo pour yo lutter dans religion pour Allah et pour yo établir hein on effort pour yo yani défendre religion hein, et pour que yo fait religion avancer par la permission d'Allah et pour que yo cap transmettre message religion hein, et pour yo cap appeler l'autre monde hein à, pour yo accepter l'islam et pour yo cap comprendre et apprendre pour yo cap apprendre règles religion en tout et c'est peut-être ça que prophète là mentionné que c'est eux même savant yo qui héritier prophète yo parce que nous connaît que depuis prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam t'est venu pas gain l'autre prophète après si on moun dit que gon prophète qui a venu après Mohammed sallalahu alayhi wa sallam li pas musulman hein son kafir lié parce que pas gain prophète après Mohammed sallalahu alayhi wa sallam sauf que prophète là lui-même lui dit que le quitté un héritage que le quitté a c'est science religion que le quitté et tout ça yo qui apprendre religion qui étudier religion eh bien c'est héritier ça un héritier prophète là que yo fini hein que yo yé et Allah azza wa jal choisi yo Allah azza wa jal t'a choisi yani, parmi prophètes yo, parmi messagers yo, hein, pour yo transmettre religion, hein, et ensuite yo quitté sa prophète yo quitté un héritage et c'est savant yo qui prend héritage ça. Hein, et ça c'est un bagage qui pas étonnant parce que c'est prophète là qui témoignait que savant yo c'est héritier prophète yo yo. Hein, donc ça indique degré yo, importance yo que yo gagne et c'est yo même hein qui réellement savant ça que prophète là yo t'es décrit yo et ça que Allah azza wa jal t'es décrit yo dans Coran nan tout et bien c'est yo même qui vrai savant yo hein Allah azza wa jal li mentionné nous ou bien li informé nous à propos de sorte d'être humain que yo l'était élevé degré l'était élevé yo en degré. Hein, il est mentionné dans verset 11 dans sourate Al-Mujadala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui dit nous que l'élevé croyant ainsi que ceux à qui il était bail science là en degré. Il est élevé en degré. Monde qui gagne foi, yo croit en Allah et puis Allah te bail la science, il est élevé en degré. Hein? Et avec qui ça li élevé yo? Li élevé yo avec science que Allah te ba yo parce que yo mette l'en pratique. Depuis on moun gen science, s'il pa mette science li en pratique et s'il pa agi selon science li, eh bien science sa pa gen valeur pour en réalité. Si on moun gen science, li pa mette science li en pratique, li pa agi avec science là, ni pas mettre en pratique science ça pas gain valeur pour lui en réalité et même que si moun nan gain science et li pas mettre en pratique eh bien science ça ça li pral on argument contre lui-même au jour de la résurrection c'est-à-dire que Allah azza wa jal li pral punir encore plus fort que moun ki pa gen science. Pour qui ça? Parce que lui-même, moun nan gen science, il pas mette l'en pratique. Hein? Et c'est peut-être ça. Même dans surat al-Fatiha, l'en a précité al-Fatiha, nous dit, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hein? Et ça va nous expliquer, même le prophète l'a dit, que al-Maghdoub alayhim, moun que Allah Azza wa Jal li en colère avec yo, c'est les juifs. Hein, il dit que c'est juif yo parce que yo gen science mais yo pas mette l'en pratique. Hein, yo pas appliquer science que yo gen. Hein. Donc ça veut dire que depuis on moun gen science, li pas appliquer science là, li pas pratiquer science là, eh bien moun ça en réalité hein, eh bien science li pas gen valeur. C'est un coup comme Allah te décrit juif yo, il dit kamathal al-himar yahmilu asfara. C'est un coup bourrique hein cap porter livre sous dos yo porter science sous dos yo mais yo pas mettre en pratique yo pas profiter de science là hein donc gen pile moun comme ça yo apprendre mais yo pas pratiquer donc ça pas gen valeur ça pas gen importance hein donc les moun gen science faut le mettre en pratique. Si son science qui concernait la croyance, eh bien, faut le croire dans la croyance ça. Faut le mettre en pratique. Faut l'agir selon croyance là. Si son question de méthodologie, faut le gagner connaissance méthodologie à, et faut le mettre méthodologie à en pratique. Si son question de pratique religieuse, action que le supposé fait, hein, eh bien, faut le mettre en pratique. Faut l'appliquer. C'est pas juste pour le connaître, pour le gain connaissance théorique. Et puis il a parlé en pile tant qu'un philosophe, hein? Nous connais philosophe yo. C'est monde qui aime montrer que yo connait en pile bagaille et yo parle en pile. Mais yo pas appliqué rien, yo pas fait rien, hein? Donc ça a pas servi à rien et au jour de la résurrection, c'est moun sa yo qui pral hein qui pral punir en premier. Et une fois que on moun gen science et puis que le mette en pratique, eh bien gon l'autre bagay que faut le faire, faut transmettre religion, faut apprendre l'autre moun religion, faut l'enseigner religion à l'autre moun, faut le propager religion. Il pas qu'à juste gain religion pour tête li et puis li blier l'autre monde hein li pas bay importance à propagation de religion hein. Ou pas qu'à kembe religion vérité à pour tête tout seulement ou gain vérité pour tête tout ou pas bay l'autre monde importance non on musulman pas qu'à agir comme ça on savant pas qu'à agir comme ça parce qu'on musulman l'elle conne religion l'elle remet religion li obligé li gen responsabilité pour propager religion pour l'enseigner l'autre monde religion en tout c'est pas en question de on monde cap essayer monopoliser connaissance là pour peut-être li seulement puis oublier l'autre monde et puis lui pas bail l'autre monde importance tant que juif yo yo pensais que c'est seulement peuple tête yo c'est propre peuple yo seulement qui sauvé et c'est propre peuple yo qui yani qui pral qui élu hein Jean yo dit et donc yo pas jamais yo pas jamais relé en l'autre monde ou en l'autre peuple pour yo entrer dans religion pa yo pour qui ça parce que yo pas croire que yo gain responsabilité ça. Et c'est peut-être ça que Allah Azza wa Jalla t'a abandonné peuple ça. Hein? Et pour qui ça? Parce que yo pas établi religion Jean Allah t'a ordonné. Et en même temps les voyaient prophète pour yo pour le guider yo et pour le faire yo comprendre réalité ça le voulait de yo et bien yo pas suivre, yo pas accepter, yo pas croire dans prophète yo. Jésus vini, yo pas croire dans Jésus. Hein? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vini ou pas kwe nan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, qui s'akrive? Eh bien, yo rete nan on version de on religion qui abroge et yo continue à pratiquer alors que religion li pas valide encore. Hein? Version de religion que yo gen, que yo suive, son version qui périmé. Il n'est pas valide encore. C'est peut-être sa religion n'est pas adaptée à sa l'humanité à vivre aujourd'hui. Et yo pas et son religion qui était pour peuple yo seulement, les Moïse vini, il est venu pour peuple juif yo seulement. Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'est venu, c'est pour l'humanité tout entière qu'il est venu. C'est peut-être ça que religion lui-même religion ça il vient abroger tout ça qui était là avant. Hein? Et il vient compléter message l'autre prophète précédent yo. Donc ça c'est un bagage important pour nous comprendre. Et donc j'en nous t'ai expliqué ulama yo conscient que Allah Azza wa Jal a surveillé yo. Donc yo craint Allah et yo établi responsabilité que yo gain et yo considéré que toute responsabilité que yo gain en religion son dépôt que Allah te ba yo. Que Allah t'a confié yo, son responsabilité et Allah pral mandé yo compte au jour de la résurrection qui gens yo t'a géré, qui gens yo t'a géré responsabilité ça. OK? Et donc yo comprendre que yo gon charge sous épaule yo et que dépôt ça et charge ça faut yo rendre li de la meilleure façon possible. Et en même temps savant yo c'est yo même qui pi conscient de manquement que yo gagne en religion et de limite que yo gagne en religion. Donc c'est moun qui humble, yo modeste. Depuis où est un moun qui fier, un moun qui fait hein, qui fait frais, un moun qui pensait que son important lié et que la vantel que le gagne science ou connaît que moun ça c'est pas un savant lié. Parce que vrai savant yo yo pas fier, yo pas gain fierté, yo pas gain orgueil, yo pas vanter tête yo que yo gain science, hein, yo pas mettre tête yo en avant, hein, yo modeste, yo humble. Yo apprendre science là pour yo adorer Allah avec lui. Et yo adorer Allah avec pureté d'intention, avec sincérité et avec véracité. Les yo a pas approché d'Allah, hein, yo conscient que yo gon faiblesse, yo conscient que yo limité, yo conscient que yo gen manquement, yo conscient que yo gen capacité, yo conscient que yo gen limite. Yo c'est pas moun ki orgueilleux, ki fier et ki, hein, qui pensait que yo déjà atteint tout degré scientifique, que yo pa gen rien encore pour yo apprendre, que yo konn tout bagay, que yo gen réponse à toute question. Depuis où un monde comme ça, hein, depuis où un monde qui pensait que le konn tout bagay, que le gen toute réponse, ou connaît moun ça son moun dangereux lié. Ou connaît moun ça li pa gen, c'est pas un savant lié. Son moun ignorant et orgueilleux, et ça c'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux parce que l'orgueil, c'est ça qui t'a égaré Iblis. C'est ça qui t'a égaré Iblis. Et Iblis t'a égaré justement parce qu'elle t'est orgueilleux. Hein? Il pensait que le plus bon passé passait l'autre monde. Il pensait que le plus bon passait Adam. Il refusait, hein, pour le prosterner devant Adam. Il refusait d'obéir à Allah. À cause de ça, il vint maudit. Et puis, Iblis t'a gagné science tout. Hein? Iblis te gen connaissance. Iblis te même rapproché d'Allah parce qu'elle était avec Zanjo. Mais qui j'en fait le tomber comme ça? Hein? Qui j'en fait le tomber bas comme ça? C'est parce qu'elle te gen science, sauf qu'elle te gen orgueil. Hein? Et lui refusait pour lui obéir à Allah à cause de orgueil, hein? Et à cause de ça, elle était fière et elle vint maudit. Hein? À cause de ça. Donc, tout le monde ka, hein, à comprendre ça. Et faut nous faire attention à bagay ça parce que son bagay qui très dangereux. Donc, savant yo gon regard critique sous réalité connaissance pa yo et sous réalité pratique religieuse pa yo, et yo toujours conscient que yo pa jam satisfait de adoration pa yo, de qui j'en a pas adoré Allah. Yo pa jam satisfait parce que yo toujours conscient que yo ka fait plus et que yo toujours ka ajouter un bagay, que yo toujours ka améliorer tête yo nan adoration, nan religion, nan sincérité, nan pratique que yo gen, et yo conscient de limite que yo gen, yo conscient de faiblesse yo et de ignorance yo. Ça c'est réalité vraie savant yo. Même prophète yo t'es comme ça. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, même ange yo, même prophète yo c'est comme ça yo t'es. Yo tout t'es gain sentiment que yo pas bay Allah tout droit que Allah gain sou yo. Hein, yo t'es tout souhaité que yo t'es ka fait plus. Que yo t'es ka adorer Allah plus, que yo t'es ka vinn reconnaissant Allah plus, que yo ka soumettre tu à Allah plus, hein, yo conscient de ça. Même prophète là lui-même gon doua qu'elle t'a fait, il dit la uhsi sana an alayk anta kama athnayta ala nafsik. C'est-à-dire yani même si c'est tant que prophète là dit sallallahu alayhi wa sallam, même si m'a essayé pour me glorifier ou, hein, et m'a essayé pour me glorifier ou, yani même pas jamais capable de glorifier aux gens ou mérité, hein, c'est seulement ou même qui capable de glorifier tes tout gens ou mérité que yo glorifier ou, parce que c'est Allah Azza wa Jal seulement qui a fait ça. En réalité, pas gen on créature qui a adoré Allah gens Allah mérité, hein, parce que être humain est limité, hein, et nous connaît que Allah Azza wa Jal t'a créé zanjo, et zanjo même tout ça yo fait c'est adoration, tout instant, chaque instant qui passait c'est adoration, c'est rappel d'Allah, c'est glorification d'Allah que yo fait, et yo pas jamais désobéi à Allah. Malgré ça, hein, malgré ça, yani, yo pas qu'à adorer Allah, Jean, Allah mérité. Hein? Donc ça son exemple. Et même prophète là te demandé Allah pardon pour manquement li, pour faute li, pour ignorance li, pour dépassement que te gen nan affaire li. Hein? Jean le dit dans doua, Allahumma ghfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Hein? Ouais, qui sa prophète l'a mandé Allah, ça veut dire que li conscient de réalité que hein, même si son prophète lié, même si c'est messager d'Allah que lié, li gen limite, li gen manquement, li gen erreur, li gen ignorance, li gen dépassement, hein, tant que tout l'autre être humain. Kullu bani Adam khata, khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam yo gen erreur, yo gen péché. Et puis bon, parmi moun qui fait péché, parmi être humain, yo, c'est ça qui repentit. Hein? C'est ça qui mande Allah pardon et qui repentit tête yo. Donc, ça c'est exemple nous. Donc, savant yo, modèle yo, exemple que yo gagne, c'est messager. C'est messager que yap suivre. Et c'est exemple que yap suivre. Donc messager à lui-même, lui transmettre message là, lui rendre dépôt que le gain que Allah bail lui établit conseil là et sincérité envers la umma, envers sa nation, lui lutter dans sentier Allah hein d'en façon véridique. Et donc malgré ça où est que prophète là t'es considéré que lui pas te fait assez hein, que s'il t'est capable faire plus lui t'a fait hein, s'il t'est capable. Donc tout ça pour nous comprendre hein, réalité religion. En même temps prophète là lui mentionné mérite science là et lui dit hein, man yurid Allah bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Hein, il dit que les Allah azza wa jall livle un bien pour un moun, li bali compréhension religion. Les un moun vle un bien pour un moun, li bali compréhension religion. Donc ça veut dire que si ou est que hein ou besoin qu'on ait, est-ce que Allah voulait un bien pour vous? Eh bien posez-tête aux question ça, est-ce que Allah azza wa jal les bam compréhension religion hein, ou non, et est-ce que ou gain intérêt pour faire effort dans religion, pour apprendre religion, pour comprendre religion bien hein? Si ou est que ou gen intérêt ça et que ou aime religion et ou voulez apprendre religion et ou a fait effort pour apprendre ou a chercher science ou a chercher savant yo et ou besoin qu'on apprendre nan men savant yo, ça son signe que Allah voulait en pile bien pour vous. Et là nous parler de al-fiqh son terme qui est employé aujourd'hui pour désigner l'application de certaines règles dans la religion, sauf que terminologie ou bien terme fiqh, les gons ont un sens qui est bien plus large que ça. Son sens qui est impliqué ou qui comprend toute religion en entier, dans tout aspect religion, que ce soit dans les fondements ou dans tout ça qui découlait de fondements, yo, parmi les règles, les croyances, les principes, les pratiques, tout aspect religion, nous carrélé le fiqh qui signifiait compréhension. Donc fiqh salaf, fiqh sahaba, fiqh kibar tabi'in, compréhension salafio, compréhension sahaba, compréhension élève sahaba yo, compréhension imam religion hein, moun qui était gain en pile science dans l'islam. Hein, c'est eux-mêmes qui gagnent qui gen compréhension texte religion texte religieux yo. Donc ça Allah te vle en pile bien pour moun sa yo. Et puis si nous-mêmes nous fait en pile effort pour nous apprendre religion, eh bien ça son signe que Allah vle en pile bien pour nous tous. Et en même temps son bagage qui important tout parce que prophète là t'est interdit nous pour nous gain jalousie l'un pour l'autre. Nous pas supposé jaloux l'un l'autre, hein. On monde pas supposé jaloux pour ça Allah t'est baillon l'autre monde. Si Allah t'est baillon l'autre monde en pile richesse, en pile bien, hein, en pile femme, en pile petite, en pile hein, en pile l'argent. Hein, nous pas supposé jaloux de ça. Le prophète là lui-même lui dit dans un hadith pas gain en jalousie qui permis dans l'islam excepté pour deux bagailles. On premier bagaille là c'est un monde à qui Allah te baille en sagesse et puis l'a jugé selon sagesse ça. Ça dit la science, li baille science, li baille connaissance et puis moun nan a agi et a jugé selon science que le gain. Et on l'autre monde son monde qui gain Allah te baille en pile richesse et puis li dépenser de richesse lien pour li bay en pile les démons et puis il fait en pile bien avec l'argent li. Donc si ou même ou un monde qui gagne science et puis ou même ou ta souhaité que ou te ka gagne science tant coup moun nan pour ka enseigner pour ka aider l'autre monde pour ka juger selon la vérité, ça son bagage qui permet. Même que si on moun gen l'argent ou est que moun na fait en pile bien, en pile bon bagay avec l'argent li, l'a aide moun, hein, l'a bay charité, l'a aide povyo, et ou même ou ta reme fait même bagay que moun sa, eh bien avec intention, hein, le ou gen intention ça ou gen droit, ça son bagay qui permis, ou gen droit souhaiter bagay ça. Mais nan bagay dounia, nan bagay l'argent, nan bagay l'autre bagay comme ça, ou pas supposé envier l'autre monde, ou pas supposé jaloux l'autre monde, parce que la jalousie son bagay qui grave et son péché qui grave, et prophète là t'est interdit, tandis que al-ribta c'est-à-dire là où t'as souhaité gain en grâce que Allah te baille en l'autre monde pour qu'a fait on bien avec lui, même gens que moun nan fait en pile bien, eh bien ça son bagage qui souhaitable et son question de compétition dans le bien, hein, et ça son bagage qui encouragé dans l'islam. Les ou un monde qui a fait en pile bien, hein, et puis ou a compétitionner avec lui pour compétitionner dans le bien, ça son bagage qui encouragé dans l'islam. Et Allah azza wa jalla dit dans le Coran, dans le Coran, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Donc les encourager nous pour nous compétitionner l'un contre l'autre dans le bien, hein. Ça son bagage qui louable. Donc nous compétitionner dans religion. Ensuite prophète là lui-même l'encourager nous pour nous faire effort pour nous apprendre. Et en particulier jeunes yo, hein, nous-mêmes qui jeunes, hein, nous gain en pile énergie, nous gain en pile temps, donc nous capable profiter de l'âge nous pour nous ca apprendre religion nous, pour nous ca voyager, pour nous ca la kay côté savant yo ye, pour nous ca chita nan dorous yo, pour nous ca apprendre Coran, apprendre hadith, apprendre le fiqh, apprendre le tafsir, apprendre la aqida, apprendre toutes les différentes sciences islamiques yo, nous chita nan la kay savant yo ou bien nan université islamique dans différents pays musulmans pour nous chita pour nous apprendre, et puis après ça pour nous tourner dans pays nous pour nous enseigner moun ki besoin apprendre et moun ki besoin connaître règles religieuses yo. Donc ça son bagay qui important, hein, et que faut nous penser à l'avenir, faut nous penser à la jeunesse yo, faut nous penser à ça qui genre l'islam a propagé dans pays noir ou bien dans l'autre pays dans le monde, et faut qu'on relève nan syans, fò gen an pil etudyan, fò gen tolab, tolab l'ilm, le nou di tolab l'ilm, se ta di moun kap chèche la syans, fò gen an pil, nou bezwen an pil, moun kap chèche la syans. E profet la li mèm, sallallahu alayhi wa sallam, li di nan wahadith ki rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه حديث ça son hadith qui est important prophète là il dit quiconque qui emprunter un chemin pour le cas apprendre religion tout le monde qui emprunte un chemin pour le cas apprendre religion Allah azza wa jal pour le faciliter en chemin qui mène au paradis. Donc là où a fait effort pour apprendre religion et où on prête un chemin pour nous qu'à étudier pour nous qu'à apprendre religion ou pour nous qu'à gagner science religion, eh bien Allah azza wa jalla lui-même l'a facilité nous en chemin vers le paradis, l'a fait ça. Pour qui ça? Parce que son chemin qu'a mené au dans l'adoration d'Allah avec science. Donc ça c'est plus bon bagaille que on moun ka fait. Et donc ça sont bagailles importantes. Et là où a étudier l'islam son bagaille qui est important tout, c'est pas pour les on moun pour aller étudier religion. C'est pas parce que li besoin juste pour étudier pour dunya. Gen moun kap étudier l'islam et puis yo juste chercher pour yo gen diplôme et puis après les yo gen diplôme nan yo pas agi avec les yo pas fait travail yo pas fait da'wa yo pas établi adoration yo pas enseigné yo juste chita et y a joué de la dunia. Donc ça c'est pas ça qui est intérêt, c'est pas ça qui est intention. Là où a étudié l'islam, là où a étudié sciences religieuses, et c'est-à-dire que faut ou gain en intention pour Allah, et en même temps, c'est pas pour la dunya. Parce que moi-même, me songeais, me t'ai rencontré en pile frère, qui était sorti d'Haïti, et puis il était entré dans université. Yo t'ai accepté dans l'université a et puis subhanallah qui s'arrive après on constater que yani yo abandonné étudio mais problème là c'est pas que yo abandonné gen droit gon situation qui fait que li pas ka continuer mais problème là c'est pas ça c'est que gen en pile nan frère yo qui juste a cherché en possibilité pour yo ka quitter Haïti parce que yo que Haïti en son situation qui est difficile et que yo considère que pas gain avenir en Haïti donc y a besoin n'importe qui occasion pour yo ka sortir pour yo ka quitter Haïti et donc les yo joine un visa ou bien un bourse pour yo aller étudier l'islam non l'autre pays musulman non pays musulman eh bien yo pas réellement concentré pour yo étudier yo juste pensé mais qu'il y a que quitter Haïti qui j'aime pas le faire pour ramasser l'argent pour me travailler pour mal aux États-Unis pour mal en Europe ou bien pour mal en l'autre côté pour mal travailler pour me faire quoi pour me faire l'argent parce que intention yo c'est pas l'intention yo pas de gain intention pour yo réellement étudier l'islam yo gain intention pour yo quitter Haïti pour yo joindre une situation pour yo ka travail pour yo ka gain l'argent pour yo ka gain dunia parce que yo considéré que yo t'es privé de ça en Haïti qu'on y a une occasion pour yo quitter Haïti. Donc c'est oublier science religieuse non, oublier étude islamique yo et puis yo commencer courir derrière dunia. Donc il y a très peu nan frè ayisyen yo ki al etudye en Arabi Saoudite ou bien nan lot peyi ki reèlman konsantre seryèzman nan etudye yo pou yo ka komplete tout program ke yo te supose komplete a. Yo fè on ti bagay, yo etudye on ti tan, pi yo pa menm komplete sa yo te supose komplete a, e pi yo kite. Donc rezultat c'est que ouais que pa gen an pil bagay kap avanse a cause de ça. Hein? Pa gen an pil bagay kap avanse a cause de ça. Si te gen on kategori de moun ki ka revivifye Haïti et ki ka kreye un jan de reforme en Haïti, eh bien c'est musulman. Pa gen l'autre moun ki ka fè ça en Haïti. Jan Haïti an nan situation ke li a, pa gen rien k'ap sauver Haïti à part l'islam. Et ça son réalité pas seulement pour Haïti, c'est le monde entier. Sauf que n'a pas les kounya à propos de l'islam en Haïti parce que c'est pour musulmans haïtiens que n'a pas les en particulier. Même si message là lui-même les dirigé à n'importe qui musulman depuis que le cas comprendre ça n'a pas dit mais son bagage qui est important pour nous comprendre. OK? Que nous besoin l'humanité besoin l'islam. Pas gen époque peut-être qui les regard des situations dans le monde où est que l'humanité besoin l'islam, hein, parce que gen en pile ignorance qu'on y a et moun yo égaré, moun yo perdu, y a cherché la lumière, y a cherché la vérité. Hein? Et puis si c'est pas l'islam, yo pa joine li. Hein? Donc c'est peut-être ça c'est important pour nous comprendre qui ça nous gagne, hein, qui devoir nous gagne, qui responsabilité nous gagne vis-à-vis de musulmans yo, vis-à-vis de humanité, hein, vis-à-vis de peuple nous yo, hein, pour nous ka présenter yo l'islam correctement pour yo ka comprendre qui ça l'islam nan yé et puis pour nous ka également réfuter moun ka menti sou l'islam ka di mensonge à propos de l'islam pour nous ka clarifier réalité de religion qui s'allie en particulier les nous et ça ka propager dans les médias par rapport à l'islam les gen moun ka fait terrorisme ou bien l'autre bagarre comme ça qu'on y a vienne accuser l'islam que l'islam son religion de violence et en pile l'autre mensonge comme ça. Donc ça c'est important pour nous qu'à clarifier et en même temps pour nous qu'à expliquer non musulmans yo réalité enseignement l'islam pour yo qu'à accepter. Donc tout bagage ça c'est important et Allah Azza wa Jal yani li révéler Coran, li révéler Coran, li révéler Sunna, c'est pour nous suivre révélation, pour nous mettre en pratique et pour nous pas venir tant kou Jean du livre, moun ki te recevoir livre avant nous et garder ki Jean yo vini. Garde ki Jean yo tourner kounya. Chrétiens yo, juifs yo et l'autre peuple yo. Hein, les yo gen révélation que Allah te ba yo et yo abandonné l. Yo falsifié l. Yo déformé l. Hein, et puis yo suivre passion yo, yo oublié ça Allah Azza wa Jal te ordonné yo. Donc résultat, hein, c'est que yo égaré. Hein? C'est ça qui est le résultat sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est important. Et puis donc kounia par exemple, moi-même si m'a gardé situation musulman en particulier musulman qui est en Haïti, mais c'est pas seulement musulman qui est en Haïti non, c'est musulman dans le monde entier kounia. Là m'a gardé ça. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Le map gade realite a, mwen ke gan pil musulman, yo pa kon ki es ki yon ulama, yo pa kon ki es ki savan yo. E gan pil rezon de sa, surtout a l'époque ke nap vive, e gombay ke nou ka realize en particulier avec internet, hein, ki vin kounya an bagay ki tout kote. Mais mwen men bon mson jelem te vin musulman, pas de gain internet encore ou te gain internet mais internet là t'es faible t'es très lent et puis pas de gain vraiment yani c'est pas tout le monde qui te gain ordinateur là caillou et même si ou te gain ordinateur peut-être que ou pas de gain internet et si ou te gain en connexion internet connexion t'es tellement lent pas de gain pile bagaille là dans internet là donc kounya c'est le contraire kounya ou gen accès à tout ça ou vle hein ne, par rapport à l'islam mais problème nan à cause de ça c'est que gen pile bagay que ou ka joine dans internet là qui pas bon cap égaré au lieu que ou joine ça qui important ou ça qui bon pour nan, pour comprendre religion eh bien tellement gen en pile information qui incorrect qui faux et qui inexact et qui pas authentique eh bien c'est science là lui-même qu'on y a les 20 ans qu'on désinformation c'est en coup si ça accès que ou gen à toute information ça yo qui inexact qui contraire à la vérité moun yo commence à vin confus moun yo commence à vin par contre qui côté pour yo aller à qui est pour yo mander hein qui est pour yo croire peut-être que yo pral le temps d'un moun k'ap di on bagay jodi a et puis demain y a temps d'un moun k'ap di le contraire et moun yo vin commence à mélanger yo par contre qui est qui dit la vérité qui est qui sous la vérité. Donc ça, c'est son grand problème lié. Et c'est peut-être ça que c'est très important pour nous connaître qui est-ce qui grand savant yo. En particulier parce que moun qui nan bida ou qui nan secte ou qui nan groupe, que y a suiv groupe de bida, hein, yo tout gen moun que y a suiv, hein, parmi égaré yo. Yo tout gen référence que yo gen et moun sa yo pense que référence yo c'est savant yo ye. Hein? Et donc c'est peut-être ça le moun kon réalité Coran et Sunna et compréhension salaf yo et que le comprendre méthodologie salaf yo qui s'allie les pas prendre n'importe qui moun et te gon yon nan salaf yo ki te rele al hasan Muhammad ibn Muhammad yani ki jan te rele c'est yon nan salaf yo ki di yon parole ki très importante c'est pas al hasan al basri son l'autre c'est Muhammad ibn Sirin hein, c'est ça m'pat songe non mais kounya m'songe Muhammad ibn Sirin c'est un tabi'in nan élève compagnon yo et li kon parole célèbre que li te dit hein tabi'i ça li zon parole très célèbre et jusqu'à jodia savant yo toujours répété parole ça et parole lan li dit que yani yani c'est tant que l'averti moun yo à propos de justement qui est pour nous prendre la science de qui est n'a étudié religion et il dit inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum qui ça parole ça signifie de signifier que yani science ça que n'a étudié que n'a enseigné que n'a cherché ces religions noires. Donc c'est pas n'importe qui bagaille, hein. Alors il dit fanzur amman ta'khuzuna ou fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, c'est-à-dire faites attention de qui est-ce n'apprend religion nous. Ou pas qu'à prend religion de n'importe qui monde. Et ça sont bagaille qui vrai dans un pile l'autre science. Et dans un pile l'autre bagaille dans la bagaille de la dunia. Hein? Est-ce que par exemple, si vous besoin apprendre médecine ou bien vous besoin apprendre chirurgie. Ou pral chita avec n'importe qui monde dans la rue qui a dit son chirurgien lié et puis ou juste chita avec lui à pas prendre, hein, et puis ou bien ou juste pour un livre pour contou ou chita la caillou ou ap li livre chirurgie qu'on y a arrivé ou besoin faire un test, hein, ou pratiquer, hein, ou pral mande on zanmi ou quitter ma font chirurgie sou pour me pratiquer parce que m'a pas prendre chirurgie. Hein? Est-ce que vous pensez que façon ça son façon qui est acceptable? Hein? Non, bien entendu, parce que c'est pas comme ça pour nous apprendre. Nous besoin un professeur, nous besoin un monde qui maîtrise sujet, qui maîtrise matière pour nous ka apprendre ba yo comme il faut, puis pour nous ka bien, hein, pratiquer par la suite. Et même si vous regardez par exemple dans pâtisserie, non, un monde qui besoin boulanger, un monde qui besoin cuisinier, hein, il besoin chef cuisinier, ou bien un monde qui besoin par exemple ingénieur, hein, pour construire pont, pour construire immeuble, pour construire bâtiment, bagarre comme ça, faut l'apprendre au côté, il pas qu'à apprendre pour compte, les juste les livres, la écouter monde qui parler. Allah al-musta'an. Donc ça sont bagailles franchement. OK, frère li ba mon on point m'a expliqué ça le dia, mais avant que m'a entrer dans exemple que le bail là, m'a besoin terminer ça m'a dit. Les on mon a étudié n'importe qui sujet, même arts martiaux. Ouais, mon a pas prendre arts martiaux, combat ou bien n'importe qui l'autre bagaille, yo besoin connaître que mon avec qui est-ce que yo apprendre, yo besoin yo c'est mon qui qualifié. C'est mon qui te gain yo même yo te apprendre avec maître. Hein? Yo pas apprendre pour compte yo. Yo pas juste chita la caillou essayer faire move a fait combat bagaille arts martiaux puis là yo vini yo commencé dit moi même son professeur mien vient apprendre avec moi. Non, hein, c'est moun tout moun sa yo te gen maître y a étudié avec yo pendant un pile temps puis là yo vinn commencer maîtriser enseignement yo et que maître yo voit que yo maîtriser ba yo bien. Yo ba yon ceinture, yo di OK, kounya ou prêt. Ou gen doit faire propre école ou et puis ou ap gen élève ou ap commencer enseigner. Hein? C'est comme ça ba yo fonctionner. Kounya maintenant gen pile moun, c'est juste comme ça. Yo li nan livre, yo gade sur internet, moun a parlé, yo prend de à gauche, yo prend de à droite. Gen un ki di sa, gen l'autre ki di sa, yo pa ka distingue entre ki sa ki vrai, ki sa ki pa vrai, yo pa konn ki sa ki sunna, ki sa ki bid'a, ki sa ki shirk, ki sa ki tawhid, ki sa ki aqida, hein, yo pa konn rien, juste prend dans n'importe qui côté, dans n'importe qui connaissance. Hein? Et puis gen yo influencé avec discours politique, yo influencé avec discours disons moun k ap pale de en pile mouvement social ou bien mouvance yani revendication bagay comme ça, et puis yo mélange ça avec compréhension que yo gen de religion, et puis à la kulli hal c'est pas ça qui réalité science islamique. Nan nous même ça nous besoin konn qui est-ce qui ulama yo, qui accrochent au Coran, qui accrochent à la Sunna, qui suivent exemple compagnon yo, sahaba yo, et nous gagnons pile savants parmi ulama yo qui bon exemple et qui enseignent umma pendant toute vie yo, qui suivent cap chercher science depuis yo petit, et puis yo ba nou bon fondement dans compréhension religion. Donc qui ça me t'a remé faire avant de terminer, un frère lui-même lui t'a mentionné mon exemple que gain parmi musulmans yo, certains qui pensaient que pour un monde qui est savant faut que le gain un miracle ou bien que faut le faire un rêve pour le prophète là dans rêve li, et que c'est ça qui pourra le déterminer que son savant lié. En réalité, ça c'est pas en référence. Et même ça la fio dit les ou est un monde qui a marché sous l'eau ou bien que l'a volé dans les airs, il dit n'importe qui monde, même s'il a fait bagaille qui extraordinaire, hein, ou pas prend rien de lui-même jusqu'à ce que ou pral comparer ça l'a dit avec le Coran et la Sunna. Si ou est que ça l'a dit, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, ou qu'a prend. Mais s'il est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou rejeter-le. Peu importe, même si moun a marché sur l'eau, même s'il a marché dans les airs, hein, l'a volé, pas prend rien de lui-même. Parce que c'est pas miracle qui, c'est pas by, qui semble miracle, qui ont référence, qui ka rend vrai ça qu'il faut. Hein? Parce que référence là, c'est fondement, c'est croyance, c'est principe, c'est Coran, c'est Sunna. S'il y en a quoi avec révélation, il est bon. Et s'il est en contradiction, il est faux. Donc, ça, c'est un bagage qui est important. Ou bien, doit attendre un monde qui a parlé de l'islam, son prêcheur lié. Et en apparence, tout ça qu'elle dit, il est correct. Sauf que connaissance que nous gagnons de Coran et de Sunna sont connaissances qui sont limitées. Nous pas arriver dans niveau, dans degré savant. Yo. C'est peut-être ça. Les ou attendez au monde qui a parlé de religion avant que ou prend de monde ou t'a supposé poser question ou mander savant yo à propos de moun nan, est-ce que nous ka étudier avec moun sa ou non? Parce que pour qui ça me dit ça? Parce que gen moun k'a parlé de l'islam, k'a enseigné l'islam, yo fait partie de un groupe ou yo fait partie de un secte, yo gen croyance qui en contradiction avec le Coran et la Sunna. Il a établi un bida, mais il a caché Baylan. Il a caché bida. Il n'a pas montré au début. Parce qu'il a besoin d'attirer Mounio. Il a besoin d'attirer Moun. Les Mounio commencent à tomber dans le filet. C'est là ça que il a commencé à montrer. Tout détail que il a gagné dans la croyance yo, qui est en contradiction avec l'islam. Et les yo rive à niveau ça, en général moun yo pa ka distinguer, ou bien yo tellement attaché à moun nan que même si yo connaît que moun nan ça l'a dit que li pa en accord avec le Coran et la Sunna, y a suivi les quand même parce que yo vin attaché à moun nan. Donc ça sont bagay qui important pour nous comprendre li. Attachement nous hein, attachement nous, c'est attachement en premier à Coran, à Sunna, et puis compréhension salafio, ça c'est base, c'est fondement. Plus que n'a bien connaissance de ça, plus que n'a capable de distinguer la vérité entre ça qui est vrai, ça qui est faux. Et si nous pas gain base, si nous pas gain fondement, là très difficile pour nous distinguer entre qui est-ce qui sous la vérité, qui est-ce qui passe sous la vérité. Donc, faut nous faire effort pour nous apprendre en pile. Et parmi savants, yo, wa alaykoum salam wa rahmatullah, parmi grands savants, yo, m'a énuméré pour nous en série de noms de savants. Et c'est une série de noms de savants qui, parmi grands savants, yo, qui étaient sous le Coran et sous la Sunna, il y a un savant qui est toujours vivant, il y a un qui mourit, mais nous sommes certains que savant ça, yo, c'était savant qui était hein, vraiment salafi, Coran, Sunna, compréhension salaf, hein, 100%, Inch'Allah. Donc, premier exemple que Mkabanou, bon, nous avons reculé loin, si nous voulons, jusqu'à l'époque des compagnons, jusqu'à l'époque des tabi'ines, à l'époque des tabi'ines, à l'époque des imams, l'imam Ahmad, hein, l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, et après, il y a l'autre imam tout. Il y en a des centaines. Hein? Et à chaque époque, il y a un savant. À chaque époque, il y a un imam. Hein? Et pour nous, comme savant du passé, son bagage qui est important. OK? Parce que c'est eux-mêmes qui salafio, qui prédécesseur. Donc, l'imam, les quatre imams, nous connaissons. L'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Ça, c'est quatre grands imams. Et il y a l'autre tout, l'imam Al-Awza'i, l'imam Ibn Uyayna, l'imam Al-Thawri, l'imam Al-Layth Ibn Sa'd, yani, et en pile encore. Et ensuite, il y a l'imam, après, plusieurs, quelques siècles après, il y a l'imam Ibn Taymiyyah, hein, Ibn Al-Qayyim, et il y a l'autre encore. Et plutôt hein, jusqu'à yani quelques siècles tu gain l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui était un grand imam qui était sous le Coran et la Sunna parmi savants yo et ensuite hein, yo monde qui était également sous même méthodologie gain yani grand savant qui était vivent à l'époque noire. Et c'est important pour nous connaître non seulement savants du passé, mais pour nous connaître savants de temps noir. Pour qui ça? Parce que si on monte par exemple, les seulement prend des références dans savants qui mourit et qui te vivent des siècles en avant, eh bien, moun sa yo pas là, je dis, à pour y répondre à la question nous, hein, si nous avons une question. Et si on moun gen un problème dans compréhension dans religion, il est supposé pour gen un savant hein qui ka clarifier pour lui. Donc savant qui mouri yo ou pas ka questionner yo hein puisque yo pas ka répondre yo mouri déjà. Mais à chaque époque il y a toujours gen savant. À chaque époque toujours gen savant. Et bien entendu, savant de la sunna, yo là hein, à chaque époque. Donc, si nous avons une question, nous ka relayo, nous ka écrio, nous ka voyager pour nous visiter yo, pour nous poser yo en question, les nous gain problème. Donc, parmi grands savants yo, m'a dit nous quelques noms. Grand savant qui était un grand savant yo, et ça son cher que m'te gen occasion pour m'te rencontrer li l'emte en Arabie Saoudite avant le mourir c'est le cheikh Abdelaziz ibn Baz Abdelaziz ibn Baz c'est lui même qui était mufti Arabie Saoudite avant mufti actuel là, qui en Arabie kounya c'est le mufti c'est cheikh Abdelaziz al-Cheikh avant lui, c'était Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Et on t'y mention que m'te besoin fait tout avant que nous passer à on l'autre, c'est que terme que nous employer là nous dit que Cheikh Abdelaziz ibn Baz c'était mufti que le teye gain certains moun dans certains pays musulmans qui employaient terme muftia un petit peu à tort et à travers. C'est-à-dire que pour eux, n'importe qui musulman qui étudiait dans certaines écoles et puis qui mémorisait le Coran, il y aurait le mufti automatiquement. Or, terme mouftia sont un terme qui est beaucoup plus grand que ça, hein, beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, les hommes, les nourris, les hommes mufti, le grand sens général et puis le grand sens spécifique. Mufti, c'est un monde qui baille fatwa. Et fatwa, c'est un verdict religieux. C'est-à-dire que ou a expliqué ça, Allah Azzawajal t'a légiféré à propos de un bagaille et ça, prophète-là, sallallahu alayhi wa sallam, t'a clarifié à propos de un sujet qui est relié à la religion. Hein. Donc, le ou a baille un fatwa, c'est un coup à clarifier un verdict à propos de une question religieuse, hein, une question en charia. Mais l'un n'a pas parlé de statut ou de position de mufti dans le pays. En général, son poste ou son statut que dirigeant bail un savant qui n'en pays a, c'est les mêmes qui que yo considéré tant coup première autorité. Dans fatwa, dans pays. Donc, son statut très important. Hein? Ce n'est pas n'importe qui moun qui ka moufti dans le pays. Hein? Donc, ou dans certaines écoles, en particulier dans l'école Dar al-Uloum, c'est dans l'école Diobandio. Hein? Yo même, tout le monde qui sorti dans l'école, hein? Depuis yo étudié dans l'école, eh bien, yo sorti, yo relé yo moufti. Hein, ils font un diplôme, ils disent ah, je fais un diplôme, qu'on y a mufti. Mais c'est pas comme ça, hein, en réalité. Terme mufti, ils font avec les petits bagages qui viennent facile. N'importe qui monde qui a vu mufti comme ça. Oh, c'est pas comme ça. Et souvent, moun sa yo la bay fatwa, hein, dans l'école sa yo, c'est en accord avec le madhab Hanafi, mais pas selon le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que, qui ça me voulait dire? Qui ça me dit ça? C'est parce que, yo bay fatwa selon madhab. Yo pas bay fatwa selon preuve. Coran et Sunna. Hein? Parce qu'en pile dans yo-même, yo étudié madhab là, mais yo pas bay preuve yo lay ap étudié madhab là. C'est juste, hein, yo pral dit par exemple, bon, madhab noua, les enseigne nous, que hein, faut faire tel bagaille de telle façon. Mais si vous demandez moun, ok, sac preuve là. Sous qui preuve vous basez pour dire que c'est comme ça pour vous faire bagaille ça. Est-ce que vous avez un verset dans le Coran? Est-ce que vous avez un hadith authentique pour supporter pratique ça? Et vous pas connaît. Pour que ça, parce que vous pas apprendre preuve yo. Il t'a appris le madhab là d'une façon aveugle. Donc, il a suivi d'une façon aveugle. Et ça, son approche qui est en contradiction avec l'approche salafio. OK? Donc, là, on a bay fatwa, il est supposé bay fatwa selon le Coran et la Sunna. Donc, c'est peut-être ça, c'est pas n'importe qui moun qui a bay fatwa. C'est moun qui a une science, hein, qui étudie avec savant et qui connaît. Preuve yo. OK? Et donc, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, c'est yon nan savant sa yo. Est-ce que Cheikh Abdul Aziz te gon madhab? Oui, li te gon madhab. Hein? Li te hambali. Son hambali liye. Sauf que, le yo mandel, est-ce que le wab bay fatwa selon le madhab? Li explique, li dit non. Moi-même, le wab bay fatwa, c'est selon le Coran et la Sunna. Et parfois, la baye fatwa lui contredit madhab li. Pour qui ça? Parce qu'elle considérait que dans question ça, c'est vérité, hein? C'est pas dans madhab li que lié. Hein? Vérité, hein? C'est dans l'autre madhab que lié. Donc, lui répond à question, lui baye fatwa selon preuve, yo, selon Coran et Sunna. OK, donc si par exemple si moi-même son malikimier, OK, puis me connais que les on me demande ma propos d'une question dans madhab malik, me connais que position madhab là li en contradiction avec hadith là le m'a bay fatwa m'pa pral bay fatwa selon madhab malik m'pral bay fatwa selon dalil là selon preuve là comprendre et puis c'est même bagarre avec madhab abu hanifa ou shafi'i hein ou ahmad ou malik tout bagarre tout ça yo c'est même bagaille hein yo tout c'est tout madhhab de ahl sunna mais pas gain youn qui infaillible pas gain youn qui gain la vérité dans toute question yo dans tout sujet yo gain on l'autre savant tout que me besoin mentionner nous après Cheikh Abdul Aziz gain Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen ça sont grands savants tout et deux savants ça yo Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen ces deux savants qui mourit déjà rahimahumullah yo gain tant mourit et gain on l'autre savant tout Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani hein? Donc deux premiers savants yo Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymeen ces savants yo étaient saoudiens hein yo étaient en Arabie Saoudite kunya Cheikh Al-Albani Mohammed Nasiruddin Al-Albani sont albanais liés hein origine li c'est Albanie mais il était grandi en Syrie et puis yani c'est là-bas que il étudiait religion hein, et il spécialisait dans hadith dans science hadith donc son grand muhaddith lié OK et il a un pile ouvrage que il t'a écrit à propos de science hadith là donc ça c'est un grand savant yo hein et puis yani il était fait un pile effort pour li défend religion défend sunna pour le réfuter en pile égarement en pile bid'a il clarifie en pile sujet de la religion à notre époque et li mourit tout ça sont l'autre savant qui mourit déjà rahimahullah mais li était gain un grand impact dans la propagation de la sunna on l'autre savant parmi grands savants yo hein te gain en pile mais la kounya m'a banou quelques savants qui vivent tout parmi grands savants yo qui toujours vivant gain Cheikh Salih Al-Fawzan Cheikh Salih Al-Fawzan c'est un savant ça dans savant yo et li étudié avec Cheikh Ibn Baz c'est un élève Cheikh Ibn Baz et tout savant yo gain tout savant ça yo te gain en pile chouyour yo pas gain un seul cheikh que yo te étudié avec lui yo étudié avec en pile chouyour nan vio et si m'te gain tam ta bay nou un petit biographie de chacun nan savant yo mais son bagage qui t'apprend en pile temps OK donc m pas capable pour détailler toute vie savant ça yo et tout ça yo t'a étudié tout effort que t'a fait pour propager la science ben ça si m t'a fait l'étape prend trop de temps mais au fur et à mesure inchallah n'a découvrir petit à petit qui est-ce qui t'a fait pour l'islam et puis qui ça y a quitté nous de la science avec tout ça y a écrit tout ça y a fait parce que y a écrit en pile livre y a fait en pile cours et y a enseigné en pile et jusqu'à aujourd'hui y a un site internet y a une science qui diffusait dans cours que y a bail donc alhamdoulillah y a fait un pile effort gain Cheikh Salih Al-Fawzan gain Cheikh Salih Al-Sheikh c'était lui-même qui était ministre affaires religieuses en Arabie Saoudite Cheikh Abdul Aziz Al-Sheikh qui kounya c'est lui-même qui mufti en Arabie Saoudite te gain un autre cheikh qui relé Cheikh Mohamed Aman Al-Jami sont éthiopiens liés hein un cheikh qui sort d'Éthiopie et c'est un grand savant il était étudié avec grand savant en Éthiopie puis en Arabie tout Et c'est un savant qui était extrêmement fort dans Aqida. Et il fait un pile explication de différents livres de la Aqida, de Al-Sunna, des livres de Ibn Taymiyyah et d'autres. On l'a cherché tout qui était le Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti. Mohamed Amin al-Shanqiti. Son savant qui sort de Mauritanie. Et savant ça lui-même, il était étudié en Mauritanie pendant une grande partie de ville. Puis après, il était voyagé pour aller faire Hajj en Arabie Saoudite. Là, il arrive en Arabie Saoudite. Hein, il pense que son esclave était là. Il était dans des histoires, ça, je ne sais pas contre tout détail. Mais après, il était vendu. Et puis ensuite, il a réalisé que son savant mounaye. Après ça, il a ballon poste dans l'université. Puis il commence à enseigner. Et c'est pas enseigner, la enseigner à élève ordinaire. Non, c'est savant que la enseigner à savant. Yo. C'est lui-même qui baille formation pour savant en Arabie Saoudite. Donc, grand savant qui étudie avec lui. Et parmi les savants, Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin, il était étudié avec Mohamed Amin al-Shanqiti. Et Mohamed Amin al-Shanqiti a écrit un tafsir qui relève Adwa al-Bayan. Son grand tafsir. Et même que, dans le tafsir que tu as baillé dans le Kouyo, qui était enregistré, et si par exemple nous t'es intéressé pour nous tendre qui gens l'été qu'on enseignait, eh bien l'été qu'on méthodologie qui très l'été qu'on façon d'enseigner qui était spécifique à Moun Mauritanie et qui très particulière, si nous voulons tendre elle, nous allons sur internet n'a besoin de lui. Et puis la façon que l'enseigne est affichée, c'est un coup son bagage spécial, en tout cas même pas qu'à décrire nous, mais son bagage spécial Jean le tape fait. Puis les enseignants en pile grand savant parmi grand savant, il y a un autre cher qui sort Yémen qui est le cher Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i. Et Cheikh ça lui-même tout, il était étudié en Arabie Saoudite. Et puis l'elle fait étudier, il tourne au Yémen. Et puis il établit un centre pour l'enseigner. Et puis il était dans une région du Yémen. Il y a un élève de du monde entier qui a étudié avec lui. Gain élève du monde entier qui allait étudier avec lui dans tout pays musulman. Yo allé au Yémen pour apprendre l'islam avec Cheikh Mokbel. Donc ça, Cheikh Salim même l'était fait en pile effort pour le propager la sunna, pour le réfuter la bid'a et pour le propager la religion et la compréhension des salaf. Donc ça sont grands savants tout. T'es gain l'autre savant tout, par exemple, qui toujours vivant, c'est un grand savant tout, Cheikh Rabi' al-Madkhali. Ça, c'est un grand savant qui fait un pile travail, un pile effort pour le réfuter, en particulier différents groupes contemporains qui t'ont propagé un pile idéologie qui est en contradiction avec l'islam. En particulier frères musulmans yo, hein? Et puis à cause de ça, grand pile dans groupe ça yo qui combattent lui, qui attaquent il, hein, qui insultent il et qui raillent, parce que il était très fort dans la défense du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf et dans la réfutation de tout ça. Moun ap essayé yani déformé de religion, hein. Donc ça c'est un grand savant yo. Te gen en pilote m'pa ka mentionner yo tout et m'ta remé mentionner plus, mais c'est non que m'a bail nous yo kounyan les nous tande yo inchallah n'a vinn plus familier avec yo et puis n'a connaît qui est yo yé et puis inchallah non l'autre occasion si nous gagne l'autre occasion n'a clarifier biographie ça avant ça pour nous ca apprécier effort que yo t'ai fait pour l'islam et pour les musulmans. N'a prêté là parce que nous déjà dépassé temps, hein, nous fait conférence en trop longue déjà. Donc nous obligé arrêter. Mais inchallah, on a bien l'autre occasion pour nous inchallah rencontrer pour nous continuer clarification, explication de différents sujets encore. Et puis frère Haïti Sunna t'a demandé pour me faire si m'a continuer couyo ou non. Puis il te propose pour nous faire on l'autre série de conférences en créole et puis m'te dit que oui son idée qui intéressait et que m'ta aimé faire ça tout encore et me proposer pour nous commencer en livre hein, plutôt que nous faire différentes conférences sous différents sujets à chaque mois n'a prend un livre et puis n'a commencé et puis n'a fait chaque semaine ensemble pas chaque semaine mais chaque mois ou bien deux fois par mois n'a rencontré pour nous traduire livre là pour nous expliquer en créole inchallah donc c'est ça que nous pour le faire inchallah n'a regardé qui livre n'a commencé qui livre qui t'a intéressant pour nous et puis inchallah n'a inchallah commencer programme ça n'a ba nous plus information bientôt inchallah donc m'a prêté kounia subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.